Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre. La santé, c'est un esprit sain dans un corps sain. Abra le corps. Bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment super heureuse de vous retrouver enfin pour cette nouvelle série de podcasts qui va prendre cette fois Abra le corps, le sujet des rapports aux maternités. Il y a quelques mois, au cours de mes recherches préparatoires et suite à l'un de mes appels à contribution, j'ai eu l'occasion de mener un premier entretien avec une sage-femme. J'y suis allée la tête relativement vierge de toute prénotion. C'est ce que je pensais en tout cas. Le crayon en l'air au-dessus des pages blanches de mon petit carnet. En fait, à ce métier, je n'y connaissais pas grand-chose. Pour moi, la sage-femme, c'était une profession médicale, assez semblable à celle d'infirmière, mais spécialisée dans l'accompagnement à l'accouchement, aidant essentiellement la femme à pousser et à l'arrivée de l'enfant, et prodiguant quelques conseils à la maman lors des premiers jours suivant la naissance. Je me disais que le terme devait d'ailleurs renvoyer à un certain abus de langage, puisqu'il devait y avoir également quelques hommes au sein de cette profession. Moment d'aparté. Pour la petite histoire étymologique, le terme de sage-femme serait apparu au XIIe siècle. Le mot « sage » dérivant du latin « sapiens », signifiant « experte, habile de son art ». Le terme de « femme », qui lui est accolé, ne renvoie pas à la personne praticienne, mais à la personne parturiente, c'est-à-dire la personne qui met au monde. À ce moment-là de l'histoire, toute personne parturiente était d'emblée assignée à un sexe féminin. Les études sur le genre, rappelons-le, ne datent que des années 70 en Occident. Bien que cela ne veuille pas dire qu'historiquement, les personnes s'identifiaient forcément et absolument à un sexe ou un autre. Toutefois, le régime hétéronormé de la binarité des sexes, déjà bien en place, ne concevait pas alors que la parturiente puisse se sentir d'un autre genre que celui féminin. Selon les périodes et les lieux, le ou la sage-femme pouvait être une personne spécifiquement identifiée et sollicitée par une communauté en raison de ses connaissances et de ses pratiques en matière de soins, lui attribuant un statut de guérisseuse. Mais il pouvait aussi s'agir de quelqu'une essentiellement experte dans l'accompagnement à la maternité, que cela soit ou non l'une de ses activités centrales. Ses pratiques et ses connaissances se transmettaient souvent de génération en génération. Certaines sages-femmes se contentaient de l'art maïeutique, c'est-à-dire de l'art de faire accoucher. Le plus souvent néanmoins, Yael accompagnait également les grossesses, voire les premiers moments de la maternité et de la vie de l'enfant. Yael pouvait aussi aider au contrôle et à l'amélioration des conditions de la sexualité en général, en diffusant par exemple des remèdes contraceptifs ou en pratiquant des avortements. Lorsqu'au XVIe et au XVIIe siècle, l'Église catholique a cherché à réguler et réprimer ses activités pour s'arroger un pouvoir de contrôle sur les naissances, ces institutions désignaient le plus souvent les accoucheuses du terme de « matrone », dérivant du suffixe latin « mater », renvoyant à la mère. Contre cette désignation, nombre des personnes concernées préférèrent s'auto-désigner comme sage-femme, pour revendiquer leur expertise et le caractère sage et sacré de leur pratique éminemment liée au respect de la vie de la parturiente. Alors que le terme « matrone » réinscrit l'activité d'accompagnement à l'accouchement dans un destin mécaniquement procréatif et maternel, impliquant forcément la naissance d'un enfant, le terme de sage-femme revendique lui de centrer le soin et l'attention sur la parturiente, quel que soit le destin choisi ou subi de la grossesse, que celui-ci mène ou non à la vie d'un enfant. En France, au moment de la restructuration de la profession des sages-femmes en 1982, le terme de sage-homme est apparu dans la profession, mais il est resté très peu utilisé, témoignant surtout d'une méconnaissance de l'étymologie du terme sage-femme. Aparté fermé. J'en reviens un peu à ce qui m'a personnellement menée à m'intéresser au sujet des différents rapports aux maternités. Ce n'était pas du tout intuitif. En effet, je n'ai pas été confrontée au sujet de l'accouchement depuis la naissance de ma sœur, quand j'avais 4 ans, donc autant dire que tout cet univers m'était relativement flou. Quelque part, cela m'allait très bien. Étant de plus en plus certaine de ne pas vouloir d'enfant, n'ayant pas encore d'amis autour de moi s'engageant dans la maternité, c'était un sujet lointain, étranger, hostile peut-être aussi. Car en tant que féministe chevronnée et éprise de liberté, il semblerait que j'ai hérité d'une certaine position de méfiance vis-à-vis de tout ce qui entoure la maternité. Un peu lasse de la persistance d'un discours social autour du soi-disant instinct maternel, faisant encore bien souvent du désir d'enfant quelque chose de naturel, ce n'était pas le premier sujet auquel je pensais m'intéresser dans le rapport au corps. La littérature, le cinéma, les repas de famille nous bassinent déjà bien assez avec ça. Et il y avait tant de domaines sur lesquels il me semblait primordial d'axer le combat féministe que je ne voulais pas retomber encore et encore dans des questions qui me semblaient datées. Les féminismes des années 70 étaient déjà passés par là. En 1968, le Women's Lib, mouvement de libération des femmes qui a vu le jour aux États-Unis, fait des émules en France. Elle défile, monte sur les barricades. Elle réclame le remboursement de la pilule par la sécurité sociale et le droit à l'avortement. La pilule est en vente libre et les centres de planning familial se sont multipliés, mais l'avortement est toujours passible des assises et même de la peine de mort. Les militantes féministes de 1971 réclament en toute priorité une sexualité heureuse et déchargée des angoissants problèmes matériels, et elles revendiquent la contraception libre et gratuite et la liberté de l'avortement. Et le procès de Bobigny reste exemplaire. Cette jeune fille de 15 ans, jugée pour avortement, est acquittée. Pour la soutenir, 343 femmes avaient publiquement avoué s'être fait avorter. Il faudra attendre 1975 et la ténacité d'une femme, Simone Veil, pour que l'interruption volontaire de grossesse fasse l'objet d'une loi. Et qu'en définitive, elle apporte un progrès sur le plan de la justice pour les femmes dans la mesure où elle met fin à une situation que tout le monde qualifiait, et notamment le président de la République, de désordre. Si j'avais le sentiment que peu de personnes interrogeaient comme moi l'idée de vouloir un enfant, je mettais ça sur le compte de l'évolution toujours lente des perceptions et des mentalités, à la persistance juridique, sociale, morale, et peut-être même métaphysique d'une certaine représentation de la famille et de l'existence humaine en général. Au moins, me disais-je, pour celles qui font ce cheminement réflexif et ne souhaitent pas ou pas tout de suite engendrer de petits êtres au jour rose, les moyens matériels sont désormais accessibles dans notre pays. Et bien qu'un peu laborieusement, il me semblait que la parole se libérait lentement pour démythifier un peu la maternité, que les familles sortaient peu à peu du modèle nucléaire classique et que le nombre croissant de célibataires permettait de faire un peu mieux accepter certaines remises en cause de l'enfantement. Je rencontrais d'ailleurs peu de personnes de ma génération vraiment surprises lorsque je disais ne pas vouloir d'enfants. Oui, mais voilà. De quelle génération est-ce que je parle? Celle de ma sœur et moi, née entre les années 90 et le début des années 2000? Pourrait-on prétendre que cette génération est davantage homogène que les précédentes? Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi je ne veux pas d'enfants. Eh bien, tout simplement, parce que je n'en ai pas envie. Et à la une de Bonjour la France ce matin, c'est un article du Monde qui a retenu notre attention à la rédaction. Il s'intéresse à ces femmes qui ont fait le choix de ne pas avoir d'enfants et qui le revendiquent. On les appelle les child free, comprenez, sans enfants par choix. Ce mouvement, il prend de plus en plus d'ampleur sur les réseaux sociaux. C'est aussi pour ça qu'on vous en parle, que ce soit par contrainte professionnelle d'ailleurs ou par choix personnel. Elles sont pourtant trop souvent pointées du doigt. La part des personnes définitivement sans enfants augmente depuis les années 70. En France, aujourd'hui, 6,3% des hommes et 4,3% des femmes de 15 à 49 ans déclarent ne pas avoir d'enfants et ne pas en vouloir. Qu'est-ce que j'en savais en réalité, des désirs ou non-désirs d'enfants des autres jeunes de nos âges, issus des autres classes sociales, notamment populaires, de ceux des personnes négativement racisées? Et alors, que dire de celles qui ont eu quand même des enfants sans le vouloir? Que se passe-t-il? Et c'est eux qui pensaient en vouloir mais n'avaient pas anticipé tout ce que cela impliquait. Ou qui ont eu des enfants malades. Quel accompagnement pour ces gosses dont les parents ne peuvent pas être véritablement présents au quotidien. Et quid de celles qui en veulent mais n'y arrivent pas. et celles qui n'y ont encore tout simplement pas le droit, comme de nombreux couples queer ou certains et certaines célibataires. Ce premier entretien avec une personne dont le métier était directement connecté à la maternité a fait sauter mes premières œillères à ce sujet. Avant de m'emporter vers l'extrême diversité et complexité des questions relatives à la maternité, il m'a ouvert une première fois les yeux sur mon inculture vis-à-vis de cette profession et ce que cela renvoyait de mon ignorance pour tout ce qui était relatif à la conception, la grossesse, l'accouchement, le postpartum et l'éducation des enfants. Très vite, j'ai fait les liens avec tout un pan du milieu médical auquel j'avais déjà été confrontée, notamment celui de la gynécologie. Me sont revenus les témoignages que je lisais et que j'écoutais régulièrement depuis 2-3 ans sur les violences obstétricales et gynécologiques. Je me suis souvenue d'une conversation avec une femme d'une dizaine d'années de plus que moi, alors mère d'un petit garçon qui venait d'accoucher de 2 jumeaux. Elle s'indignait contre le silence et la désinformation autour de la maternité. Elle critiquait l'idéalisation persistante de la maternité qui en faisait une sorte de honeymoon, quelque chose de forcément magnifique, en plus d'être fondamental. Ni ses amis déjà maman, ni sa mère ne l'avaient vraiment prévenue des douleurs et des difficultés qui pouvaient survenir aux différents stades de la grossesse, de l'accouchement et des premiers mois de l'enfant. Je me suis également souvenue de plusieurs récits et écrits, féministes et écoféministes, racontant la dépossession historique du savoir des femmes en matière d'accouchement, au profit de l'accaparement d'un tout nouveau corps médical masculin, s'érigeant en grand sachant tout puissant, au moment de la Renaissance et de la chasse aux sorcières. Je me suis souvenue de ces femmes en Équateur, qui me racontaient, tout comme ma grand-mère me le raconterait un peu plus tard, que les enfants venaient un peu comme ça, sans vraiment de préméditation, encore moins de discussion, et que le tout, quand on vivait dans un milieu rural excentré, était surtout de trouver, à temps, une bonne structure hospitalière pour accoucher dans de bonnes conditions, ou du moins pas trop mauvaises. J'ai aussi repensé à mon dernier travail, en tant qu'assistante d'enfants en situation de handicap dans un collège, aux bribes de récits familiaux qui me parvenaient de mes élèves ou de mes collègues, au bordel de la prise en charge, de l'articulation pluridisciplinaire entre l'éducatif et le médical, souvent sans que l'enfant n'ait vraiment de mots à dire. Je me rappelais des parents déterminés que j'avais aperçus et qui étaient alors érigés en sorte de héros ou d'héroïnes, et d'autres, apparemment beaucoup plus fuyants, un peu perdus, et souvent blâmés par le personnel du collège. Petit à petit, j'ai eu envie de poser à ma nouvelle interlocutrice sage-femme tout un tas de questions. Ce que j'ai fait, dans une première slave un peu désordonnée. Et puis les mois ont continué à couler. Je continuais mes recherches à droite à gauche sur le rapport au corps de façon générale, jusqu'à ce qu'arrive l'épidémie et le confinement. Voir toutes ces personnes, en majorité de genre féminin, mais aussi précarisées et racisées, envoyées en première ligne de front, m'a poussée à me replonger dans les études et les théories autour du care. Je pensais à mes élèves, dont j'avais peu de nouvelles, mais dont le suivi pédagogique reposait désormais presque exclusivement sur la stabilité qui, elles, pouvaient trouver là où elles vivaient. En parallèle, je pensais bien sûr à mon amie sage-femme, avec qui j'entretenais quelques contacts numériques sporadiques, et qui semblait vivre une des plus grosses tempêtes de sa carrière. À la fin du confinement, nous nous sommes appelés. Elle a enfin pu me raconter ce qu'elle avait vécu pendant cette période. Ironiquement, la fête des mères approchait, un des nombreux événements de l'année qui aurait tendance à me hérisser le poil pour ce qu'il renvoie à de profondément capitaliste et patriarcal. Bref, j'ai pris la décision de me plonger sur ce thème de la maternité ou des maternités avec l'ambition de le creuser avec le plus d'exhaustivité possible. Je n'aurais pas pu me douter qu'il me mène aussi loin, mais j'ai appris tant de choses sur tant d'aspects et j'ai vraiment trop hâte de tout partager avec vous. Finalement, la maternité, quand on y pense, que ce soit en tant qu'enfant ayant ou non connu ou entretenu des relations avec des parents, en tant que parent ou potentiel parent, ou dans des formes dérivées plus métaphoriques, quand on pense à celles, souvent celles, qui nous maternent au quotidien au sein de la société, celles qui nous soignent, qui reçoivent et nous aident à gérer nos émotions, par leur oreille, leurs mots, par amour, amitié, profession, ou tout autre type d'engagement, à celles qui nous éduquent, qui s'occupent de leur ou de nos aînés, ben oui, cette maternité avec un grand M, elle nous concerne tous. Or l'un des principaux problèmes qui est ressorti de mes recherches, c'est qu'en France, On a vraiment souvent tendance à la dépeindre de façon binaire, soit en la condamnant, soit en la survalorisant. C'était déjà le cas lors des affrontements entre malthusiens et néo-malthusiens, animés, nous le verrons, par des visées politiques et des idéologies différentes. Plus récemment, le sujet divise tout spécifiquement le mouvement féministe. Ainsi, et en caricaturant à peine, nous avons d'un côté certaines féministes, notamment issues du féminisme matérialiste, qui considèrent que la révolution féministe et sexuelle est maintenant achevée et que parler de maternité reviendrait à reproduire une nouvelle essentialisation de la femme, à la renvoyer à ce rôle forcément assigné, dont elle aurait enfin réussi à se libérer, notamment en accédant à l'emploi. Nous reviendrons sur toutes les critiques et les nuances qu'il convient d'apporter à cette vision. D'un autre côté, il y a toujours dans l'opinion publique française une valorisation de la figure maternelle, encouragée politiquement et largement relayée médiatiquement, et parfois même reprise par certains mouvements féministes, qu'ils soient essentialistes ou cherchent juste à se réapproprier les valeurs qu'ils attribuent à la maternité et à protéger celle-ci des oppressions sexistes. Malgré tout, à l'échelle de la société française, comme dans la plupart des pays occidentaux, nous le verrons, la maternité reste considérée comme la norme dominante, encouragée par l'ensemble de nos institutions, bien qu'elle ait une valorisation très spécifique, très encadrée, avec des codes qui, nous le verrons, peuvent évoluer selon les contextes sociaux, économiques, médicaux, des codes qui peuvent être différents, voire s'inverser, lorsque l'on décale un peu le regard à l'intersection des autres oppressions, de classe, de race, de validisme, etc. Parce qu'elle joue toujours son rôle de norme sociale, la maternité continue d'impacter nos existences à tous, même celles d'entre nous qui se perçoivent comme le plus à la marge. C'est pourquoi il me semble urgent de nous ressaisir de ce sujet pour ne pas laisser le monopole du discours, des codes et des imaginaires aux classes dominantes. Pour ces podcasts, il me semble primordial d'expliquer les termes que je vais employer dans le contexte d'une langue française toujours genrée au féminin ou au masculin, avec toute la volée de stéréotypes que cela implique. J'aimerais notamment expliquer mon choix de parler de maternité, terme genré au féminin, alors même qu'il recoupe des réalités qui dépassent largement le genre féminin. J'aurais pu décider d'utiliser le terme de parentalité, en apparence plus neutre. Mais il m'a semblé que cela serait trop général et invisibiliserait à quel point l'idée de parentalité a été fondamentalement construite autour de la maternité et que la maternité elle-même renvoie à une certaine figure de la mère et de la femme en général. Regardez comment le terme « maternel » est encore la norme pour désigner tout ce qui se rapporte à l'enfantement et l'éducation des enfants. On parle toujours d'assistante maternelle, de maternage, d'école maternelle ou encore de langue maternelle. Tout ce qui a trait à l'enfant et son accomplissement est profondément relié à la représentation de la mère comme matrice originelle. Le terme de matrice, qui signifie « appui et structure », est lui-même un dérivé du terme latin « mater ». Quelles que soient les activités auxquelles il renvoie, le terme de maternité englobe toujours une panoplie de valeurs et d'injonctions bâties au féminin. Or, comme vous l'aurez compris, tout l'objet de ce podcast, c'est justement de déconstruire ces mythes et ces représentations. Pour cela, il me paraît donc important de repartir des termes initiaux, qui continuent de formater nos imaginaires, de produire des effets politiques et des oppressions réelles. Le fait de réutiliser un terme genré au féminin fait aussi écho à une stratégie politique de réappropriation des stigmates et des stéréotypes. En l'occurrence, de nombreux mouvements féministes et écoféministes revendiquent de nombreux termes, activités et valeurs genrées au féminin. Le premier intérêt est de faire un pied de nez à la fameuse norme académique française voulant que le masculin l'emporte toujours sur le féminin. Cette fois, c'est un mot féminin, maternité, qui englobera des expériences de genre différents. Mais l'intérêt majeur, c'est que c'est aussi une manière de revendiquer les valeurs associées à la maternité, telles que l'amour, la tendresse, l'écoute, le soin, la patience, etc., comme des valeurs éminemment positives, qui méritent d'être étendues à l'ensemble de la société, à l'opposé des valeurs présentées comme masculines, telles que l'autorité, la hiérarchie, la discipline, la force, la conquête, la compétition, enfin bref, toutes ces valeurs virilistes et guerrières du patriarcat et du capitaliste qui ont toujours amené aux destructions. Je fais donc le pari de la réappropriation du terme de maternité pour le sortir de l'essentialisation et mettre en avant tout son potentiel curatif vers un rapport plus sain au monde. À côté de ce choix, j'ai aussi gardé le terme de sage-femme. En effet, j'ai conscience qu'il n'est pas assez inclusif, puisqu'il part encore du principe que toutes les personnes enceintes ou parturientes seraient de genre féminin. Néanmoins, c'est le terme revendiqué par les membres de cette profession et pour la reconnaissance de laquelle elles se battent et résistent depuis si longtemps. À mes yeux, ce terme est empreint de force et de symbole, car elle convoque la mémoire de toutes les personnes qui se sont attribuées ce rôle de sage-femme depuis les premiers temps. Encore aujourd'hui, alors qu'en France la profession des sages-femmes se trouve de nouveau fortement précarisée, menacée et dévalorisée par les politiques néolibérales, c'est ce terme qui est utilisé par les personnes concernées pour revendiquer leur savoir et leur pratique à l'écoute des décisions des personnes enceintes. Mais là encore, toutes vos suggestions sont bienvenues si vous pensez à des termes alternatifs qui soient à la fois plus inclusifs tout en prenant en compte le legs de résistance symbolique et historique de cette profession. En attendant, et même si j'y consacrerai d'autres épisodes par la suite, je vous invite dès à présent à lire et soutenir le combat des sages-femmes qui, comme bon nombre des membres du secteur hospitalier, essuient mépris sur mépris de la part des gouvernements successifs. Un mépris dont les apparentes prises de conscience qu'on pensait suscitées par la crise du Covid n'ont pour l'instant porté aucun fruit. Il se pourrait même que les menaces sur la profession soient plus pesantes que jamais. Je vous mets donc dans la description quelques articles revenant sur les revendications de l'ordre des sages-femmes. Si vous êtes plus ciné qu'article, le film « Voir le jour » diffusé dans quelques cinémas permet également de donner un premier éclairage sur le vécu et la lutte de ces professionnels de santé. Et parce que, comme souvent au sein de nombreuses luttes, les sages-femmes ne manquent pas de créativité ni d'humour pour diffuser leur combat, je n'ai pas pu résister à finir sur un petit medley de plusieurs clips que différents services de sages-femmes ont réalisés, notamment depuis 2013, et que vous pouvez retrouver sans problème sur YouTube. On commence par la chanson « Gala sage-femme » publiée par Marine Le Rest. Petit détour ensuite par un clip de 2013 réalisé par les sages-femmes de Thonon-les-Bains. Et pour finir, ma préf, sage-femme outée, datant aussi de 2013, réalisé par les sages-femmes d'Angoulême, alors en grève. Je serai la meilleure sage-femme, et je connais par cœur, qui t'en sert toutes les demi-heures, j'aime ça. Sages-femmes de Thonon-les-Bains, refusons que les intersyndicales parlent au nom de notre profession. Nous soutenons les revendications du collectif de sages-femmes. Vous là-haut, c'est Fétal Bazooka. Quand il y en a marre qu'on n'écoute pas, bah. Qu'une chose à faire là, écoute ça. Présente les sages-femmes du Léman en direct de la Haute-Savoie. Savoie ou bien? Non, ça va pas. Meuf, c'est le bordel, ça accouche avec ou sans cri. Je réanime des enfants pour les rendre à la vie. Je suture et gère toutes les hémorragies, toutes les consultes et la téléphonie. Alors écoute, avant qu'il soit trop tard, avant qu'on se décide à foutre un fichre bazar. 12 heures sans pisser, sans manger, j'ai trop les boules. Je suis crevé en colère, je déverse mon soul. Plus sage-femme cool, plus sage-femme cool. Si on vient pas qu'on est pas là, les battles cool. Plus sage-femme cool, ouais, plus sage-femme cool. Toujours gentil, toujours docile, là on est full. Plus sage-femme cool, on a les boules. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, on sent la houle. Plus sage-femme cool, ouais, plus sage-femme cool. Même si ça saoule, même si ça saoule. Oh. où elle est. Enfin je saurai où je vais. Maman dit que ce qu'il me faut c'est elle. Elle l'avait vue au maternel. On dit qu'elle n'existe plus, qu'elle ne peut plus exercer. Tout le monde pense qu'à rien elle sert plus. Mais moi je veux être accompagnée. Pas vrai, où sont les sages-femmes? Dites-moi où sont les sages-femmes? Sans même devoir leur parler, elles savent ce qui ne va pas. Ces sacrées sages-femmes, dis-moi où elles sont cachées. Et ça doit faire au moins 1000 fois que je cherche et que j'en trouve pas. Hey, où t'es sage-femme, où t'es? Où t'es sage-femme, où t'es? Où t'es sage-femme, où t'es? Où t'es, où t'es, où sage-femme, où t'es? Où t'es sage-femme, où t'es? Où t'es sage-femme, où t'es? Où t'es sage-femme, où t'es? Où t'es, où t'es, où sage-femme, où t'es? C'est déjà la fin de cet épisode introductif. On se retrouve très vite pour un épisode qui cherchera à tirer les fils de l'essentialisation de la maternité. À très vite donc, toujours dans Abra le corps. Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre. La santé, c'est un esprit sain dans un corps sain. Abra le corps.